Exercice 12, page 101. Quand je suis arrivé chez ma mère, et en écrivant ces mots, je fais un saut dans le temps. Ce soir-là, c'était encore la maison, tout simplement, celle de mes parents, celle où j'avais grandi.